gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille seule du patron, un gros fermier de la commune. Ils s'aimaient tous deux tant et plus, écoutez ça les bonnes gens. Petit de cœur et gros d'argent, l'amour ça se fout des écus. L'amour, ça se fout de tout. L'amour, ça se fout de tout. Lorsqu'il s'en revenait du bal, par les minuit clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, fusil de large roulé. Au plein des plaies profonds et droits, écoutez ça les bonnes gens. Qu'un bicorne rend grelottant, l'amour ça se fout de la loi. L'amour, ça se fout de tout. L'amour, ça se fout de tout. Un jour furent tous deux priés, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier, mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent la clé des champs, écoutez ça les bonnes gens, qui respectaient les cheveux blancs, l'amour ça se fout des parents. L'amour, ça se fout de tout. Dans quelques cités, loin des labours et des jachères, passèrent ensemble un été, et tout à coup ils se fâchèrent. Et se quittèrent bêtement, écoutez ça les bonnes gens. Mariés cocu et puis contents, l'amour ça se fout des amants.